franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima Sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Voilà maintenant 3 jours aujourd'hui que notre fille Marie-Pierre est manquante. Alors, Mappy, ma chérie, si tu nous entends, fais-nous signe. Voilà. Pardon, nous sommes avec vous. Philippe, allez. Oui. Margaret, nous partons à Arcachon. Bon, chouette, qui un petit pique-nique sur la plage, qui un cerf-volant sur la plage, qui une petite sieste sur la plage, qui des chichis à volo sur la plage. Et oui, Arcachon, station balnéaire, qui a un avantage par rapport à sa plus chic voisine, la péninsule de Lège-Cap-Ferré, c'est de ne pas avoir face à elle les immeubles qui la composent. Eh oui. Alors, Jacques, vous ne faites pas trop de chichis, j'espère, hein, ça fait grossir. Bonjour Philippe, docteur. Bonjour Margaret. Margaret, oui. Je vous appelle parce que ma femme et moi, nous avons 4 enfants. Mmh, bravo. Et là, franchement, on voudrait arrêter. Pourquoi ? Bah parce que 4 déjà, ça fait beaucoup, puis c'est fatigant. Mmh. Vous trouvez la vie fatigante ? Non. Ah bah si. Ah bah non. Vous savez, quand on est en dépression, le premier pas vers la guérison, c'est admettre que l'on va mal. À quoi est-ce que vous seriez tenté de rattacher ce soudain dégoût de la vie ? Ah non, non, non, mais tout va bien, je vous assure. Hein. Ouais. Bon, et donc, ma femme. Qui est dépressive, elle aussi ? Non, non, mais. Non, non, personne n'est dépressif. Hein. Bah, si. Non, non. Voilà. Bon, on s'est dit, d'un commun accord, on voudrait s'arrêter là. On est heureux comme ça. Vous avez quel âge ? 40. C'est jeune, 40 ans, pour arrêter toute activité sexuelle, non ? Ah non, on va pas s'arrêter, hein. Ça marche très bien de ce côté-là. Oui, que du dedans. Bon, je vous explique la situation. Oui, mais bon. Pas... Bon, ma femme peut pas prendre la pilule pour des raisons physiologiques. Elle a une infection suite à la pose d'un stérilet. Oui, mais dis donc. Bah quoi ? Bah oui, non mais... Oh. Bah, on n'aime pas les préparatifs, les capotes, spermicides. Oh. Oui, votre diaphragme. Oui, dis... Oh, non mais... Oui. Alors, et l'abstinence, ça vous paraît inenvisageable ? Bah oui, quand même, ouais. Ouais. Alors, par rapport à votre angoisse à tous deux, cette sexualité compulsive qui vous donne l'illusion d'un épanouissement vous renvoie en fait à une plus grande morbidité, hein, Jacques. Ah non, mais on va bien. Ouais. C'est quand même curieux de dire mon couple va bien, mais je ne veux plus avoir d'enfants. Ouais. Bon, voilà. Et il nous reste à nous interroger sur soit une vasectomie, soit une ligature des trompes. Allô ? Allô ? Ouais, alors la vasectomie, c'est quand même radical. Hein ? Bah oui, enfin, c'est comme la ligature des trompes, hein, qui est aussi une solution. Oui, enfin, le problème du ligaturage de la trompe, c'est que déjà, ça fait mal. Hein, c'est pas joli, cet aspect chapelet de boudin, alors noir ou blanc, selon les origines. Et puis alors, pour uriner, bonne chance. Hein. Non, mais ça touche pas l'urètre. Ah bon ? Bah écoutez, je suis médecin, hein, quand même. Alors allez-y, essayez d'uriner quand vous serez ligaturé la trompe, et puis vous m'en donnerez des nouvelles. Mais comment ça ? Bah, je sais pas, vous m'appelez directement au cabinet ou vous m'envoyez un mail. Non, mais comment ça, quand je me serai ligaturé la trompe ? Oui, je sais, moi non plus, j'aime pas trop ce mot de trompe, hein, cet euphémisme, un brin vulgaire, alors imagé, soit, mais bon. Mais non, mais il s'agit de la femme, ce sont les trompes de Fallope. Mais dites donc. Oh. Mais c'est bizarre quand même de pas connaître la ligature des trompes. Oui, et c'est pas bizarre de douter de l'expertise des gens qualifiés. Jusqu'à quand vous allez nier cette dépression qui vous ronge ? Une vasectomie, c'est quoi, docteur, à votre avis ? Alors d'abord, c'est pas mon avis, hein, c'est un fait. Et ensuite, on dit vasectomie. C'est quand on enlève le vagin de la dame pour plus faire de bébé. Voilà, vous êtes content, j'ai mon diplôme ? Ah bah non, on dit vasectomie, et c'est quand on ligature le canal déférent de chaque testicule. Non, ça c'est la vasectomie, et en plus je le savais. Bah, pourquoi vous avez dit vasectomie, alors ? Eh bah parce que c'est vous qui l'avez dit en premier. Bon, donc, en gros, si on veut plus faire d'enfants, avec ma femme, on s'abstient, c'est ça ? Alors, j'ai plus qu'à me masturber jusqu'à la fin de mes jours. Oui, bien sûr, oui, c'est ça, et participer à ce génocide qui voit des millions de petits êtres en devenir échouer sur un nombril plein de bouloches, ou au mieux dans un sopalin qui n'a de vierge que la couleur. Hein. Kleenex Lotus, pour le CSA. Alors Jacques, excusez-nous d'avoir simplement voulu vous parler d'amour et de famille. Moi aussi je parlais d'amour et de famille. Merci en tout cas Jacques de nous avoir confié votre souci afin que nous vous aidions, nous, à vous aider vous, pour que à travers nous, vous puissiez vous-même vous aider à vous. Coûte que coûte. Et pour tous nos auditeurs, je vous invite à méditer sur cette pensée de Liam O'Cusegan. La masturbation est la sexualité du désespoir. Hein ? À bon entendeur, salut. Oui, enfin, à bon entendeur, il paraît que ça rend sourd. Alors. C'est vrai. Alors là, faut pas faire ça, non, hein, faut pas le faire. Non. Alors, au revoir, Philippe. Au revoir, Margaret. Merci Yann Choquet pour cette mise en onde. Magnifique. Merci à tous nos auditeurs. Au revoir, Philippe. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte, c'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.